Chapitre 18e. Ce que peut faire un coup de langue. L'enfant vivait et promettait de vivre. Il fallait donc naturellement lui chercher une bonne. Isabelle ne se rétablissait pas très vite. La fièvre et la faiblesse livraient une lutte ensemble et asseyaient à la fois la malade. Un jour qu'elle s'était levée et qu'elle reposait dans un fauteuil, entra Mademoiselle Carlyle. « De toutes les domestiques d'alentour, vous ne devineriez pas laquelle s'est présentée pour avoir soin de l'enfant, » dit-elle à Isabelle. « Vraiment, je ne saurais le deviner. Eh bien, c'est Wilson, la femme de chambre de Madame Hare. Voilà 3 ans et 5 mois qu'elle sert chez eux, et aujourd'hui elle les quitte à la suite d'une discussion avec Barbara. Voulez-vous la voir ? Ferait-elle bien l'affaire ? Est-ce une bonne domestique ? Ce n'est pas une mauvaise domestique pour le temps qui court. Elle ne se dérange jamais, elle est comme il faut. » Mais elle a la langue assez longue pour aller d'ici à Lyneborough. Sa langue ne peut pas faire de mal à l'enfant. Mais s'il a toujours été femme de chambre, comment saura-t-elle soigner un enfant? Ou elle le saura bien. On lui avait confié les enfants dans la famille Reiner, avant son entrée chez Madame Hare. Elle y est restée 5 ans. Eh bien, je la verrai. On introduisit la domestique. C'était une femme grande, d'une physionomie agréable, aux yeux noirs. Lady Isabelle lui demanda pourquoi elle quittait Madame Hare. « Ma lady, c'est à cause du caractère de Mademoiselle Barbara. Depuis quelque temps, tenez, depuis plus d'un an, tout lui déplaît. Elle est devenue presque aussi impérieuse que le juge son père. Voilà plusieurs fois que je menace de m'en aller. Hier soir, comme il y a eu encore une scène, je les ai quittés ce matin. Quittés pour tout à fait ? Oui, ma lady. Mademoiselle Barbara m'a tellement poussé à bout que j'ai dit hier soir que je m'en irais après le déjeuner. J'ai tenu bon. Je serais bien aise de prendre cette place chez vous, my lady, si vous consentiez à me mettre à l'épreuve. Madame Hare, vous avez confié la surveillance des autres domestiques ? Oui, my lady. Alors cette place ne vous conviendrait pas autant que vous croyez. C'est Joyce qui est ici à la tête des domestiques, et vous lui seriez en quelque sorte inférieur. Joyce a toute ma confiance, et si j'étais malade ou absente, Joyce serait sous ses ordres la bonne d'enfant. Cela ne me ferait rien. Nous aimons tous Joyce, my lady. Après quelques autres questions, la jeune femme fut priée de revenir dans la soirée chercher la réponse. Mademoiselle Carlyle alla chez Madame Hare au bosquet pour s'informer des tenants et des aboutissants de cette affaire. Madame Hare lui avoua franchement qu'elle n'avait rien à reprocher à Wilson, si ce n'est son départ précipité. Mais elle ajouta que du côté de Barbara se trouvaient tous les torts. En conséquence, on retint Wilson, qui dut entrer en fonction le lendemain matin. Dans l'après-midi de ce jour, Isabelle reposait sur un sofa dans sa chambre à coucher. Elle dormait, du moins on le croyait. En réalité, elle était plongée dans cet état, moitié sommeil, moitié délire, que connaissent trop bien les personnes en proie en même temps à la fièvre et à la faiblesse. Tout à coup, elle est arrachée à cet état en entendant son nom prononcé dans la chambre voisine, où se trouvaient Joyce et Wilson, l'une tenant sur ses genoux l'enfant endormi, l'autre occupée à coudre. La porte était entrebâillée. Elle a bien mauvaise mine. Et Wilson. « Qui donc ?» demanda Joyce. « Milady, elle a la mine de quelqu'un qui ne reviendra jamais. »« Elle reprend à vue d'œil, » dit Joyce. « Ah, si vous l'aviez vue il y a 8 jours, vous ne diriez pas aujourd'hui qu'elle a mauvaise mine. »« Ah, ma chère, savez-vous qu'il se frotterait les mains si quelque chose arrivait ?»« Quelle sottise !» dit Joyce d'un ton sévère. « Vous avez beau dire, quelle sottise, Joyce, mais on s'en frotterait les mains, » insista Wilson, « et vous la verriez saisir sa proie, je vous le jure. » Cette fois, elle ne le manquerait pas. Allez, tenez, elle est plus amoureuse de lui maintenant que jamais. Conte et fantaisie que tout cela. Il faut qu'on en parle à tort et à travers à Westline. Monsieur Carlyle ne s'occupe guère d'elle. Vous n'en savez rien? Moi, j'ai vu quelque chose, Joyce. Je lui ai vu donner un baiser. La belle affaire, un baiser ne prouve rien. C'est possible. Tout jeune homme, à même de prendre un baiser en cachette, profite de l'occasion. C'est lui qui lui a donné cette chaîne et ce médaillon qu'elle porte. Qui, elle? Répondit Joyce, qui ne voulait pas entretenir la conversation sur ce pied-là. « Je ne veux plus en savoir davantage. Vous demandez qui, parbleu ? C'est Mademoiselle Barbara. Elle ne l'a pas quittée un seul moment depuis qu'elle l'a reçue, et je crois qu'elle l'a autour du cou même en dormant. Elle n'en est que plus sotte. » La veille du jour où il quitta Westline pour épouser Lady Isabelle, et cette nouvelle va nous surprendre comme un coup de tonnerre, Mademoiselle Barbara était allée chez Mademoiselle Cornélie, et ce fut lui qui la ramena à la maison. C'était une nuit magnifique. La lune se levait et il faisait presque aussi clair qu'en plein jour. Je ne sais comment, mais il cassa son ombrelle et quand ils furent arrivés à la grille, il eut une scène d'amour. « Et vous en étiez complice ?» dit malignement Joyce. « Oui, vraiment, sans m'en douter. Ce vieil avare de juge de paix ne laisse jamais entrer un galant. Il n'y a pas moyen de se parler en cachette dans ce fameux potager où il n'y a rien de plus haut qu'un chou-fleur. Aussi, quand vient un ami, il n'y a pas d'autre ressource que de causer sous les arbres qui sont devant la maison. Or, ce soir-là, j'attendais quelqu'un. Ou un vrai coquin, qui m'a planté là pour épouser la demoiselle de comptoir de la taverne du Dain. Je l'attendais donc sous les grands arbres. Voilà que tout à coup arrivent M. Carlyle et Mademoiselle Barbara. Elle voulait le faire entrer, mais lui s'y refusait. Ils restèrent donc là. On parla du médaillon et d'une mèche de cheveux que monsieur devait donner à mademoiselle. Je n'ai pas bien entendu, et je n'osais pas m'approcher, de peur de faire du bruit. C'était une scène amoureuse en règle. « Allons donc, grande bavarde !» Quand il fut parti, je la vis lever les mains en l'air et les yeux au ciel, et je l'entendis qui disait « Il ne pourrait jamais savoir combien je l'aime, tant que je ne serai pas sa femme. » « N'en doutez pas, Joyce, il s'est passé entre eux plus d'une scène d'amour. Mais quand il a vu Milady si belle et si noble, il n'y avait plus moyen d'être fidèle à ses premières amours, et il l'a plantée là. Voyez-vous, c'est naturel aux hommes d'être volages, surtout les beaux hommes comme M. Carlyle. » « Mais M. Carlyle n'est pas volage. Tenez, je vais vous dire encore quelque chose. Deux ou trois jours après cela, Mademoiselle Cornélie va nous rapporter la nouvelle du mariage. » J'étais dans la chambre à coucher de madame, et eux se trouvaient dans la chambre au-dessous, les fenêtres ouvertes. Eh bien, mademoiselle Barbara, sous je ne sais quel prétexte, monta vite à sa chambre, et moi je me glissais dans le corridor. Quelques moments après, j'entendis du bruit, des plaintes, des lamentations. J'ouvris tout doucement la porte, craignant qu'elle ne fût évanouie. Ah, Joyce, si je n'avais jamais connu la compassion auparavant, je sus que c'était ce jour-là. Voyez-vous, elle était étendue sur le tapis, se tournant les mains, les joues pâles, comme une femme à l'agonie. Il faut avouer qu'elle était bien sotte de prendre tant de soucis pour quelqu'un qui ne tient guère à elle. Je vous répète, Joyce, que vous parlez là sans savoir. Écoutez bien et ne m'interrompez plus. La famille entière vient ici pour rendre la visite de mariage. C'était magnifique. Il y avait le carrosse de cérémonie, le cocher et Jasper. Pour peu que vous ayez de mémoire, vous vous le rappelez. Mademoiselle Barbara resta à Eastline pour y passer le reste du jour. Oui, je me le rappelle. On m'envoyait la chercher le soir. Je pris le chemin à travers les champs, parce que sur la grande route, il faisait une poussière vous étouffer. Eh bien, arrivé à l'avant-dernière barrière, devinez qui je rencontrais. Joyce leva les yeux. Un serpent, peut-être. Je rencontrai Mademoiselle Barbara et M. Carlyle. Ce qui s'est passé, nul ne le sait qu'eux-mêmes. Elle se tenait appuyée contre la barrière, penchée en arrière, pleurant. C'étaient des sanglots sourds, étouffés, qu'elle laissait échapper comme quelqu'un de désespéré. On aurait dit qu'elle lui faisait des reproches, à la suite de quelque explication, et je l'entendis qui disait « À l'avenir, nous ne pourrons plus être que frères et sœurs. Oui, je le répète, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé entre eux. De toute façon, elle a perdu la tête de se permettre de l'aimer encore, » s'écria Joyce d'un air indigné. « Oui, elle est folle, et elle l'aime. » Souvent, elle se glisse jusqu'à la grille vers le moment où il doit passer, elle le guette, sans se laisser voir par lui. Ce n'est pas autre chose que son malheur, sa jalousie de Lady Isabelle, qui la rend maussade. Je vous jure, Joyce, que depuis un an, elle n'est plus reconnaissable. Si jamais M. Carlyle se lassait de Milady et... Tenez, Wilson, franchement, vous vous oubliez, interrompit vivement Joyce. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien que la vérité. Les hommes sont si volages. Les maris sont pires que les amants, et je parie bien que je ne me trompe guère. Mais pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous réponds que s'il arrivait quelque chose à Milady, Mademoiselle Barbara, aussi sûre que je suis une honnête femme, occuperait la place vacante. « Mais il ne lui arrivera rien, » répondit Joyce avec calme. « Je l'espère aussi. Ni à présent ni plus tard, puisse-t-il ne lui rien arriver, ne fût-ce que pour ce cher petit être qui est là sur mes genoux, » continua l'intéressable Wilson. « Savez-vous qu'elle ne ferait pas une bonne belle-mère ? On sait bien que si la mère a été haïe, les enfants seront détestés. Elle exciterait M. Carlyle contre eux. « Je vous parlerai net, Wilson ?» interrompit Joyce avec fermeté et franchise. « Si vous croyez pouvoir continuer de pareilles conversations à Eastline, je dirai à Milady que vous ne convenez pas. Voyez-vous cela ? Et vous le savez. Quand j'ai dit une chose, je tiens ma parole. Joyce, vous avez toujours été raide et sévère, » dit Wilson, en partant d'un éclat de rire. Maintenant, représentez-vous Lady Isabelle recueillant toute cette conversation. Elle n'en perdit pas un mot. Ce sont des propos de commère, dira-t-on. Oui, mais il y a propos et propos. D'ailleurs, l'impression que ces propos devaient produire sur elle dépendait de l'état de sa santé, bien portant, elle les eut peut-être méprisés, mais affaiblis par la souffrance, par la fièvre, par le délire, comme la calomnie avait beau jeu. Aussi, elle accueillit l'idée que son mari ne l'avait jamais aimée, qu'il l'avait admirée et qu'il en avait fait sa femme par ambition, mais qu'il avait donné son cœur à Barbara Hare. Dans quel état d'excitation l'infortunée s'était-elle jetée? Son cerveau était en proie en même temps à la jalousie, à la fièvre, à l'amour. C'était l'heure du dîner. Carlyle entra et tressaillit en la voyant les joues pâles et sillonnées de rougeur, les yeux brillants d'un éclat fiévreux. « Isabelle, vous vous sentez plus mal ?» dit-il en s'élançant vers elle. Elle se souleva à moitié sur le sofa et l'enlaça de ses bras toutes palpitantes. « Oh, Archibald, Archibald, s'écria-t-elle, ne l'épousez pas. Je ne reposerai pas tranquille dans ma tombe. » Carlyle, étonné, confondu, la crut en proie à un accès de délire résultant de sa faiblesse. Il essaya de la calmer, mais on eut dit que c'était impossible. Elle versa un torrent de larmes et recommença ses paroles qu'il ne pouvait comprendre. « Elle maltraiterait mon enfant, elle en détournerait votre amour, elle me ferait oublier de vous. Archibald, vous ne l'épouserez pas. » « Vous parlez sous l'influence d'un rêve, Isabelle, » lui dit-il avec douceur. « Calmez-vous et recueillez-vous. Tenez, ma bien-aimée, appuyez-vous sur moi. Pensez qu'elle sera votre femme. Cette idée m'accable, me tue. Voyons, promettez-moi de ne pas l'épouser, Archibald, promettez-le-moi. » « Je vous promettrai tout ce qui est raisonnable, » lui dit-il, confondu par ses paroles. « Mais je ne vous comprends pas. Est-ce que je puis épouser qui que ce soit, Isabelle? C'est vous qui êtes ma femme. Mais si je meurs, car je puis mourir, vous le savez bien. Eh bien, alors, qu'une autre n'usurpe pas ma place. Non, je vous le jure, quelle que soit la personne dont vous parlez. Quel rêve avez-vous donc fait? Qui vous trouble ainsi l'esprit? Pouvez-vous le demander, Archibald, avant de m'épouser, n'avez-vous aimé personne? Peut-être vous l'avez aimé depuis, peut-être vous l'aimez encore. » Carlyle commença à distinguer de la méthode sa folie. Abandonnant le ton de la douceur pour prendre celui de la gravité, il lui dit « De qui voulez-vous parler, Isabelle ?»« Barbara Hare. » Il fronça le sourcil. Il était à la fois inquiet et contrarié. Il se leva du sofa où il était assis et se posa devant elle, calme, digne, presque solennel à force d'être grave. « Je vous avoue, Isabelle, que je ne puis vous comprendre. Je n'ai jamais eu Barbara Hare. Je n'ai jamais eu pour elle le moindre amour, ni avant, ni depuis mon mariage. » Il faut me dire qui vous a mis cette idée en tête. Mais elle, elle vous aimait. » Il y eut ici un instant d'hésitation, car naturellement Carlyle savait bien qu'elle l'avait aimé. Mais en tenant compte de toutes les circonstances et surtout de la manière dont le fait lui avait été révélé, pouvait-il, lui, homme d'honneur, l'avouer à sa femme? S'il en était ainsi, Isabelle, elle n'en était que plus folle. Et je lui croyais plus de bon sens. Une femme se perd dès l'instant qu'elle aime un homme à son insu. Isabelle soupira. Ce soupir soulagea son cœur et sa respiration devint plus calme. Elle se sentait parfaitement rassurée, car là il se pencha pour lui dire quelques paroles empreintes de tendresse et de douceur. « Quelle preuve peut-on donner d'un sincère amour que je ne vous ai donné moi-même ?» Elle leva vers lui ses yeux humides d'attendrissement, lui prit la main qu'elle serra dans les siennes. « Pardonnez-moi, Archibald, j'aurais été moins jalouse et moins malheureuse si vous avez moins aimé. » Il accueillit ses paroles d'un sourire pénétré de tendresse et se penchant davantage. « Voyons, dites-le-moi, qui vous a mis ces idées dans la tête ?» Son bon génie lui disait tout bas de tout raconter à son mari, les quelques mots échappés à Suzanne et à Joyce un an auparavant, et la conversation qu'elle venait d'entendre. Mais dans ce moment où elle voyait renaître la confiance, il lui parut indigné d'elle-même d'attacher à cela quelque importance. Elle se sentit humiliée d'avoir écouté un entretien de domestique et garda le silence. Est-ce qu'on a cherché à vous tourner contre moi? Jamais, Archibald. Est-ce qu'on oserait? Alors, vous avez donc rêvé? Oh, je fais parfois des rêves étranges, surtout dans mon sommeil fiévreux de l'après-midi. Je crois souvent que j'ai un peu le délire, Archibald. Et alors, je ne sais plus distinguer la réalité de l'erreur. Cette réponse exprimait fidèlement son état physique, mais c'était pourtant une réponse évasive. Car là, elle ne s'en douta pas. Et comme il y vit la seule solution raisonnable de l'énigme, cette réponse fit taire tous ses soupçons. Il n'y eut jamais en ce monde, il n'y aura jamais de passion plus absurde, plus menteuse, plus tyrannique que la jalousie. Carlyle raya cet épisode de sa mémoire, bien persuadé que l'émotion d'Isabelle résultait d'un rêve et que le rêve, et le souvenir du rêve, s'effaceraient de l'esprit de sa femme. Mais il n'en fut pas ainsi. se reposant d'abord tout entière sur l'assurance de son mari, rougissant même de ses propres soupçons. Lady Isabelle, dans la suite, se laissa de nouveau dominer par ses déplorables craintes. Les malencontreuses révélations de Wilson reprirent leur ascendant, devant lequel s'effacèrent les dénégations de Carlyle. Suivant Shakespeare, les couleurs de la jalousie sont le jaune et le vert. Moi, je pense que ce doit être le blanc et le noir, car l'œil jaloux voit noir ce qui est blanc et blanc ce qui est noir. Les plus fantastiques soupçons prennent l'aspect de la vérité, et les plus absurdes inconséquences prennent la consistance de la réalité. Isabelle ne dit pas un mot de plus à son mari, et le sentiment qui régnait dans son cœur, sentiment que devineront sans peine les femmes assez crédules pour se fier à ses délices, ne fit que l'attacher davantage à son mari et la rendit plus avide encore de son amour. Mais il est certain que Barbara Hare était toujours pour elle une odieuse rivale.